n'est plus. Johnny s'enfuit, Johnny s'enfuit, Johnny s'enfuit. Marie s'en fout, Marie en rit, montre les coups qui l'ont meurtri. Elle se montre du doigt, s'en parle tout bas, salisse leur vie, leur monde. Ne recommenceront pas, se retrouveront pas, la fin des joies, des sons. Mais quand ils baissent les yeux, les ferment peu à peu, ne peut tenir les pleurs, souvenir du bonheur revient. Marie cruelle, Marie rebelle, prie l'éternel, provoque en duel. Johnny est fou, Johnny fini, tombe à genoux, n'a plus d'appui. Et il porte à son doigt, ne la retirera pas, un reste du bonheur. Mais elle porte en son ventre, pour un temps la semence, fardeau de son malheur. Et quand elle baisse les yeux, les ferme peu à peu, ne peut tenir les pleurs, souvenir du bonheur revient. Johnny déraille, Johnny débraille, Johnny s'écaille, Johnny s'écroule, Johnny s'écroule, Johnny se saoule. Ne lui faudrait qu'une fois pour venir d'ici-bas, adieu à tout le monde. Ne lui faudrait qu'une fois, ne peut pas tomber plus bas, ses idées vagabondes. Johnny se souvient comme il était bien, Johnny se rappelle comme elle était belle. Reviens. Johnny se débat, Johnny n'est pas las de faire le tour du monde. D'avocat en barreau, il en a plein le dos, mais ça croche pour sa blonde. S'il perdait cette fois, ne la reverrait pas, adieu, ça fuit son monde. Ne lui faudrait qu'une fois pour finir d'ici-bas, directement la tombe. Johnny se souvient comme il était bien, Johnny se rappelle comme elle était belle. Reviens. Johnny n'est pas là, il attend dans ses bras, va faire le tour du monde. Quand elle lui sourit, il est au paradis, laisserait tout pour sa blonde. Ne la rappelle qu'une fois, pour qu'on aille de là, adieu à tout le monde. Il leur suffit une fois, ne retrouveront pas le sud des vagabondes. Mais quand il baisse les bras, elle lui parle tout bas. Tu vois comme on est bien, tous les deux sous chemin. Allez bien, Johnny débraille, Johnny s'écaille. Allez bien, Johnny s'écaille, Johnny se saoule. Allez bien, Johnny débraille, Johnny s'écaille. Allez bien, c'est...